Tout de suite, et jusqu'à 14h, on écoute Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Cette semaine, retour sur la bombe. d'Enola Gay à Farm Hill, une histoire mortelle. Il est explicitement dit que le fonctionnement d'une uranium machine allait engendrer l'élément 94 qui serait facilement séparable et dont on disait qu'il pourrait servir à fabriquer une bombe atomique. Il nous garde secrètement, nous n'avons aucun recours légal. Otto Hahn, Max von Laue, Heisenberg, Gerlach, Hartig, Wirtz, Korsching, Bagge, Liebner. Bertrand Goldschmidt, chimiste français, ancien directeur du commissariat à l'énergie atomique. Il y a une extraordinaire coïncidence dans l'histoire, c'est que la découverte du phénomène de la fission du noyau d'atomes d'uranium a eu lieu fin décembre 1938, juste au moment, quelques mois avant, que la guerre éclate, au début 1939. Très vite après, c'est Joliot à Paris, Fermier-Szilard à New York, qui voit qu'il n'y a plus de neutrons formés dans l'éclatement du noyau d'uranium que le neutron initial, et par conséquent, possibilité de réaction en chaîne. Et à ce moment-là, même dans la presse, on a parlé d'énergie, de moteurs de sous-marins et de bombes de puissance extraordinaire. Et puis très vite, les choses sont devenues secrètes. Une autre décision qui a changé le cours de l'histoire, c'est que, indépendamment, la France, qui était en tête dans ses recherches, et l'Allemagne ont cru qu'il serait plus facile de faire un moteur producteur d'énergie et par conséquent un moteur pour sous-marin qui n'absorberait pas l'oxygène que de faire une explosion. Et les recherches en Allemagne comme en France n'ont pas été dirigées vers la bombe. Et c'est en 1940 qu'en Angleterre, deux réfugiés allemands, Otto Frisch et Rudolf Peierls, ont les premiers fait un mémorandum capital disant qu'avec un kilo d'uranium-235, la partie peu abondante du mélange des deux uraniums dans tout l'uranium du monde, on pourrait faire une explosion qui aurait des conséquences considérables. C'est surtout des réfugiés allemands et autrichiens qui ont travaillé la question en Angleterre parce que tous les grands physiciens anglais s'occupaient du radar. Donc c'est ce travail des Anglais qui assez vite est passé en Amérique. Et d'ailleurs, tout du long de la guerre, les Allemands ont continué à faire marcher l'usine d'eau lourde de Norvège, qui était un des éléments très importants dans toute cette aventure. Et le fait que l'usine d'eau lourde a fonctionné a été une des raisons qui a poussé les Américains et les Anglais dans cette direction. Puis très vite, les Anglais n'ont pas pu suivre l'effort industriel et l'effort est passé en Amérique. Et moi, j'ai eu la chance d'être envoyé par l'intermédiaire des forces françaises libres détachées chez les Anglais et envoyé comme représentant des Anglais en juillet 42. J'ai été reçu par Arthur Compton qui dirigeait l'affaire à Chicago, ça s'appelle Metallurgical Project, l'armée n'avait pas encore pris l'affaire en main, et Compton m'a dit: vous allez travailler sur ce qu'il y a de plus secret dans la guerre, vous allez travailler sur un élément nouveau qui s'appelle le plutonium, et nous espérons que dans 3 ans nous ferons une bombe à partir de ce plutonium. La première sera utilisée contre le Japon pour en obtenir la reddition inconditionnelle et la seconde contre l'Allemagne. D'abord, le projet Manhattan a été dirigé par Arthur Compton. Et au-dessus de lui, il y avait Vannevar Bush, qui était responsable de la recherche scientifique en Amérique. Et Arthur Compton avait réuni autour de lui à Chicago un certain nombre de scientifiques, dont Fermi et Zilla. Et Fermi construisait la première pile atomique sous les gradins du stade de football. Et cette pile devait produire du plutonium, plutonium qui avait été découvert par Seaborg. Et c'est en septembre 1942 qu'il a été décidé de confier le tout à l'armée, que le général Groves, qui était un ingénieur militaire, a été choisi. C'est lui qui avait construit le Pentagone. Et que tout de suite, il a été décidé d'avoir trois sites secrets. L'un qui s'appelait X, qui était à Oak Ridge, où on allait faire la séparation isotopique pour faire l'uranium-235. L'autre qui s'appelait W, qui était Hanford, où on allait construire de grandes piles productrices de plutonium pour faire le second dispositif de plutonium. Et enfin, Y, qui était mort à la fin. Général Groves, responsable militaire du projet Manhattan, rapporte une conversation avec le ministre Henry Lewis Stimson. He asked me, had I selected the targets yet? Il me demanda si j'avais bien choisi les cibles. Je répondis oui. Je pensais amener le rapport au général Marshall le lendemain matin pour qu'il l'examine et le ratifie. Monsieur Stimson a dit, « Bon, votre rapport est terminé ?» J'ai dit, « Non, pas tout à fait. » Il a dit, « Je voudrais le voir. » J'ai répondu, « Je l'ai laissé à mon bureau, ça prendra du temps pour aller le chercher. » Il m'a dit, j'ai toute la journée et je sais que votre service est très efficace. Prenez ce téléphone, appelez votre bureau et dites-leur d'amener le rapport ici. J'ai un peu protesté en disant que le général Marshall devait le voir en premier. Alors M. Stimson m'a dit, pour cette fois c'est moi qui vais trancher, personne ne va me dire quoi faire sur ce sujet. C'est moi le chef, vous n'avez qu'à me faire parvenir ce rapport. En attendant, il me demanda quelle ville j'avais l'intention de bombarder. Je lui ai dit que Kyoto était la cible idéale, vu son étendue, l'efficacité de la bombe ne ferait pas de doute. Sa réponse a été, pas question de bombarder Kyoto. Avril 1945, la mission s'envole pour les îles Mariannes, à 1450 km des côtes du Japon. Ce sera leur objectif. Parmi la quinzaine d'avions, le matricule 44-27-297-V77. Le 77e sorti des hangars de production. Frédéric Seaborg est aux commandes. À l'avant du fuselage de son boxcar, il a fait dessiner un wagon ailé. Il y a aussi le 44-27-301-V85 Straight Flush. C'est un dénommé Claude Etherly qui le pilote. Sur l'avant du fuselage, autre nose art. Un water closet, prêt à avoir la chasse tirée. L'avion numéro 44-86-292-V82 porte un curieux nom. Il est piloté par un certain Paul Warfield Tibbets. C'est le commandant en chef de la flottille. Je savais que cette mission serait historique et je voulais que le nom dont j'allais baptiser mon avion n'ait jamais été utilisé auparavant. Le prénom de ma mère provoquait toujours la curiosité. L'histoire commence vraiment à la mi-septembre 1944. J'étais en train d'essayer des B-29 à l'époque. Mon supérieur, un général, m'a convoqué dans son bureau et m'a dit, vous allez avoir un nouveau boulot. Je me suis rendu à son quartier général, où j'ai rencontré des gens qui travaillaient à la construction de cette bombe. C'est là que j'ai connu le Dr. Oppenheimer, et plus tard le général Groove, qui était responsable de toute l'opération. 6 août 1945. À bord de l'Enola Gay, Paul Tibbets s'apprête à exécuter sa mission au-dessus d'Hiroshima. Le haut commandement n'a finalement pas retenu l'autre option initialement envisagée. Lorsqu'en septembre, on m'expliqua ce que j'allais faire, on me dit également que je devais être capable de diviser l'opération en deux, afin de larguer simultanément au-dessus de l'Europe et du Japon. Deux bombardements exactement à la même minute. Oui, vous m'avez bien entendu. Truman quitta Yalta le 5 août. À peine était-il parti que Churchill et lui discutèrent de l'utilisation de l'arme. J'ai cru comprendre que le président Truman dit à M. Churchill « Devons-nous utiliser cette arme ?» Et Churchill répondit « Monsieur le président, ce n'est pas « devons-nous » mais « quand l'utiliserons-nous » Combien étiez-vous pour cette mission ? Nous étions 12 dans l'avion. Tous ces hommes étaient intelligents. Et au fur et à mesure que le temps passait, ils commencèrent à se douter que notre opération avait quelque chose à voir avec l'énergie atomique. Mais on n'en a jamais parlé ensemble. J'étais vraiment le seul à savoir ce que l'on construisait et que c'était une bombe atomique qui serait utilisée. Mais nous n'avons jamais utilisé le terme « bombe atomique ». Pourquoi ? Top secret. Personne ne devait savoir que nous en possédions une. Paul Tibbets est le second pilote d'essai des forteresses volantes, les B-29. Son confrère, Eddie Allen, s'est crashé avant lui à Seattle. Lors des essais en vol de l'appareil, tout l'équipage y est passé, ainsi que 19 rampants. On a donc changé de plan. Décision retenue, y aller par groupe de 7 appareils. Un premier groupe de 3, c'est le groupe armé. Dans sa cargaison, l'engin atomique. Un second, du même nombre, c'est le groupe de secours. Plus un dernier bombardier suivi par un appareil de mesure et un autre de photographie. Vol à 10 000. Vitesse légèrement au-dessus des 400 km/h. Position 8h16. Paul Tibbets libère Little Boy. L'engin pèse 5 tonnes. L'avion fait un écart. Nous sommes revenus sur les lieux pour voir et prendre des photos. Alors que nous faisions demi-tour et regardions, il n'y avait plus de ville, mais un énorme bouillonnement noir de débris. Tout était en ruine. L'énergie dégagée était tellement grande, on aurait dit une gigantesque marmite de goudron bouillonnant. J'en ai parlé avec des Japonais qui pensent presque tous la même chose. Nous avons épargné ce jour-là 10 fois plus de vies que nous n'en avons détruites. We'll be right back. Oshima, présidente de l'Institut Hiroshima-Nagasaki. Ça, c'est une déclaration faite par le président des États-Unis, Truman, officiellement, mais c'était surtout pour éviter d'accusations de niveau international, parce que bombe atomique, c'est une arme de génocide, et que le Japon n'était plus capable de continuer la guerre. Il n'y avait pas de raison d'utiliser. Mais pourtant, l'armée américaine a réservé 4 villes au Japon uniquement pour lancer la bombe atomique. Paul Tibbets. Tout ce que je peux dire, c'est que les B-29 ont largué des bombes incendiaires sur Yokohama, Tokyo et d'autres villes. Et que les historiens ont fait la preuve que 3 nuits de bombardement sur Tokyo firent plus de victimes que les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki réunies. Mikoshima. Oui, c'est vrai, il y avait des bombardements partout dans toutes les grandes villes du Japon avec B-29. Et il y avait énormément de morts. Mais la différence avec Hiroshima et Nagasaki, et bombe atomique ne tue pas seulement le moment de bombardement atomique, il y a la radiation qui pollue la région. Paul Tibbets. Laissez-moi vous dire ce que les historiens m'ont dit. Ce que vous avez fait dans le passé, c'est changer définitivement la nature des conflits entre les hommes pour toujours. Une puissance unique. Une première dans l'histoire. 12,5 kilotonnes. 90 000 morts sur le moment. 100 000 se rajouteront par la suite. Mort fulgurante, puis mort lente. Produit par l'explosion. Tout est détruit. Sur 1,5 km. La chaleur dégagée est telle, l'acier a fondu. La couleur du bitume s'est désagrégée. La ville est détruite à 90%. Tout est détruit. Les globules blancs détruits par les rayons gamma. Le sang empoisonné par les neutrons. Otto Frisch, savant atomiste autrichien. Dès l'accession d'Hitler au pouvoir en 1933, il a rejoint Londres. Avec Rudolf Peierls, ils vont rédiger le premier document établissant un procédé par lequel une explosion atomique pouvait être produite en utilisant l'uranium-235 séparé avec des explosifs conventionnels et créer ainsi une détonation extrêmement puissante. Le mémorandum précisera les effets d'une telle explosion, de la déflagration initiale jusqu'aux retombées radioactives. Otto Frisch. J'ai appris la nouvelle par des cris poussés dans les couloirs. Je suis sorti et j'ai entendu les gens crier. Hiroshima a été détruite, une centaine de milliers de morts. Certains de mes collègues se sont précipités au téléphone pour retenir une table dans un restaurant pour fêter l'événement. J'ai pensé que c'était une chose terrible d'aller célébrer l'extermination brutale des centaines de milliers de personnes, fussent-elles japonaises. Even if they were Japanese. Isidore Rabi, prix Nobel de physique, placé par le général Leslie Groves à Los Alamos, auprès de son ancien professeur Robert Oppenheimer. Isidore Rabi était présent lors des premiers essais, à 20 km, protégé par un blocus. Il faudrait un poète extraordinaire pour arriver à décrire les sentiments qui m'animaient à ce moment-là. Parce que c'est pas seulement quelque chose qu'on voyait, mais c'est quelque chose qui pénétrait au plus profond de l'âme lorsque l'on se rendait compte que, en fait, un nouveau monde était en train de naître, une nouvelle puissance était en train de naître. Est-ce que nous serions capables de la maîtriser? C'est un sentiment que je n'ai jamais oublié pour ma part. Très profond. Quand il y a une réaction nucléaire très forte de ce type, ce qui en résulte, c'est une onde de choc, c'est un vent de choc, comme on a dit tout à l'heure, et puis il y a des radiations, une quantité considérable d'énergie radiante qui est libérée. Quelle fraction de ces radiations passerait dans l'onde de choc? Quelle fraction passerait dans l'énergie? Quelle fraction se transformerait en d'autres réactions chimiques qui se produisent à ce moment-là? En fait, on ne savait pas exactement tout cela à ce moment-là. Ce sont les explosions qui nous l'apprendraient. Ce que nous savions, c'est qu'il y aurait une quantité considérable de radiation. Ça n'a pas été une surprise. Les conséquences médicales des radiations, elles n'étaient pas connues complètement. On savait les conséquences des rayons X, mais des conséquences des radiations aussi massives, nous, on ne le savait pas, puisque ça n'avait jamais été expérimenté jusque-là. Opération Epsilon. Major Rittner au lieutenant-commandeur Michael Perrin. Copie au commandant Eric Welch. 1er mai 1945. J'ai reçu au quartier général du commandant Welch instruction de me rendre à Reims, France, et de prendre en charge un groupe de savants allemands. Un château situé à Spa, Belgique, a été préparé pour leur détention. Un certain nombre de savants britanniques et américains réputés doivent leur rendre visite dans un avenir proche. Mes instructions sont de traiter ces Allemands en invités. Personne, je répète, personne ne doit entrer en contact avec eux, sauf instruction du quartier général. Major Rittner au lieutenant-commander Michael Perrin. Opération Epsilon, Reims, 2 mai 1945. Je me suis rendu à Reims par avion, et je me suis présenté au centre, où le commandant Kiss m'a informé du fait que le château situé à Spa n'était plus disponible, et que le groupe serait gardé à Reims, 75 rue Gambetta, jusqu'à ce que de nouvelles dispositions soient prises. On avait pris des mesures pour apporter des rations américaines de classe A, pré-cuisinées. Le centre avait fourni, en plus des gardes, deux aides de camp britanniques et un cuisinier américain. Le même soir, les personnes sont arrivées 75 rue Gambetta, escortées par le major Foreman de l'armée américaine. Les professeurs se sont comportés amicalement et se sont bien installés. Ils ont exprimé leurs remerciements pour le bon traitement dont ils bénéficiaient et tout s'est passé dans une très bonne atmosphère. À ma demande, ils m'ont donné leur parole qu'ils ne quitteraient pas la maison ni la partie du jardin qu'on leur avait allouée. 3 mai 1945. J'ai téléphoné au quartier général et je l'ai informé de la situation à Spa. Entre-temps, j'ai été informé que des dispositions avaient été prises pour placer le groupe dans un château à Versailles, où l'on pourrait appliquer le plan initialement prévu pour les détenus. Reims, 5 mai 1945. Les professeurs sont devenus de moins en moins coopératifs. Ils sont particulièrement inquiets au sujet de leur famille. Ils m'ont demandé la permission d'écrire des lettres. Après en avoir référé au quartier général et après en avoir obtenu l'accord, les lettres ont été écrites. Après les avoir censurées, je les ai fait transmettre. 7 mai 1945. Le QG a donné son accord pour qu'il soit transféré. Un Dakota a été mis à notre disposition. Le groupe a décollé à 17h. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.